Ah oui, c'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 2 janvier 1492. La grande année, vous savez, l'année que certains considèrent comme la dernière du Moyen-Âge. C'est le jour de la prise de Grenade. Les Espagnols appellent cette journée la Dia de la Toma de Grenada. Ils y trouvent une raison supplémentaire de faire le pont entre nous, soit dit. C'est pratique, ça tombe un 2 janvier. On aurait pu trouver pire. Cette prise de la capitale andalouse met fin à la fameuse guerre de Grenade et par là même à la Reconquista, à la campagne de reconquête des royaumes chrétiens d'Espagne sur les musulmans qui s'étaient installés dans la péninsule depuis 8 siècles. C'est donc une date capitale de l'histoire européenne. Les musulmans dont vous parlez, c'est à l'Andalousie. Oui, exactement. Cette succession d'états musulmans installés en Septimanie depuis la conquête de 711-714, l'émirat de Cordoue, le califat omeyyade, les almoravides, les almohades, et puis enfin ce royaume de Grenade qu'avait fondé Mohamed Ben Nazar. On était là en 1238. C'est ce royaume de Grenade qui donc s'effondre le 2 janvier 1492 à l'issue de 10 années de guerre de Grenade. Qui sont les vainqueurs, Franck, du siège de Grenade? Ferdinand d'Aragon et son épouse Isabelle la Catholique, reine de Castille, Léon, Galice, Tolède, Séville, Cordoue et Murcie, ce qu'on appelle encore les Espagnes à l'époque. Depuis des décennies, le territoire musulman reculait, se rétrécissait comme une peau de chagrin devant cette poussée chrétienne. Il se réduisait chaque jour. Le sultan Boabdil finit par déposer les armes et c'est la fin de 780 années de présence musulmane. La fin et le succès donc de la Reconquista. Pour l'histoire espagnole, cette année est si importante qu'on l'appelle l'an 1492. C'est l'année cruciale en Espagne. Et évidemment, c'est aussi celle de la découverte du Nouveau Monde par un certain Christophe Colomb. Il ne le savait pas d'ailleurs, lui, à l'époque. Non, il ne le savait pas, c'est vrai. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission inédite, la première de l'année, consacrée au voyage de l'obélisque. À tout à l'heure.